D'après une presse sud-coréenne en date du 16 courant, on ne cesse de dévoiler que le Japon impérialiste a conclu le traité en 5 points de Ulsa de manière trompeuse et coercitive pour priver la Corée de la souveraineté. Un professeur d'honneur à l'université de Séoul a témoigné au bout des études des manuscrits du traité qu'il n'y avait pas de signature de l'empereur coréen ni l'inscription de l'appellation du traité et que le manuscrit original en coréen aussi était fabriqué alors par le côté japonais. Un autre professeur à la même université qui a découvert à l'université de Colombie des États-Unis la lettre de créance de l'empereur Crozon donnée à un émissaire américain et ses lettres personnelles envoyées alors aux chefs d'État des autres pays a vérifié que l'empereur Crozon a déclaré que le traité en 5 points de Ulsa est conclu de façon coercitive par les impérialistes japonais et qu'il ne l'a point ratifié.